Ouais, c'est pas au point. Ça passe en. C'est une batterie, celle que j'avais toujours. Je vais mettre en MIDI sur Z Drummer, mais il y a de la latence, on dirait. Et en fait, ça te fait pas tout ce que tu veux. Par exemple, on a sur le pop rock, il manque une cymbale là. D'accord, il charge. C'est mou. De me mettre en X-Meet pour arrêter de casser les couilles.